Ce feu tricolore temporaire est un feu qui permet une alternance de circulation sur une route où il y a des travaux. Le feu est rouge, puis il passe au jaune clignotant en bas, cela veut dire que c'est à ce côté de passer. Mais avant de démarrer, j'aperçois un camion qui est encore dans le passage étroit. Quelle qu'en soit la raison, je ne vais pas m'engager pour bloquer la situation. J'attends qu'il ait fini de passer pour partir. D'ailleurs, c'est peut-être un camion du chantier qui ne pouvait pas savoir de quelle couleur était le feu. Cela ne coûte que quelques secondes pour le laisser passer. Réponse B.